Le retour à Médine. Après avoir porté en terre les martyrs et récité la prière des morts et diverses invocations, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna à Médine. En chemin, il eut l'occasion d'être témoin de sentiments nobles et élevés exprimés par des femmes musulmanes et dictés par une foi sincère. Hamna bint Jahsh rencontra le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam qui lui annonça la mort de son frère Abdullah ibn Jahsh. Elle dit « À Allah nous appartenons et à lui nous allons retourner ». Et elle implora le pardon d'Allah. Elle eut la même réaction lorsqu'il lui annonça la mort de son oncle Hamza ibn Abdil Muttalib. Mais quand il lui annonça le décès de son mari, Mus'ab ibn Omer, elle cria et se lamenta. La voyant dans cet état, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Le mari est extrêmement cher aux yeux de sa femme ». Il passa près d'une femme des Banu Dinar, dont le mari, le père et le frère avaient été tués au combat. À l'annonce de leur mort, elle dit « Comment se porte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Les compagnons répondirent « Bien, ô mère d'un tel, Allah soit loué, il est tel que tu le souhaites. » Elle dit « Montrez-le-moi ». Lorsqu'ils le lui montrèrent, elle dit « Tous les malheurs ne pèsent rien aussi longtemps que tu es sain et sauf ». La mère de Sa'd ibn Mu'adh accourut à la rencontre du prophète alayhi salatu wa sallam. Sa'd tenait alors les rênes de la jument du prophète alayhi salatu wa sallam. Voyant sa mère, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, voici ma mère ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Elle est la bienvenue ». Et il s'arrêta pour l'attendre. Lorsqu'elle fut toute proche, il la consola pour la perte de son autre fils Amr ibn Mu'adh. Mais elle lui dit « Le malheur est insignifiant dès lors que je te vois devant moi, sain et sauf ». Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, invoqua Allah en faveur des parents des martyrs d'Uhud et dit « Sa'd, réjouis-toi et porte la bonne nouvelle aux familles des martyrs. Ils sont ensemble au paradis et ils ont intercédé pour leurs proches. » Elle répondit « Ô messager d'Allah, nous sommes satisfaits. Qui irait après cette bonne nouvelle pleurer sur eux ?» Puis elle continua ainsi « Ô messager d'Allah, invoque Allah pour ceux qui sont restés à Médine. » Il dit « Ô mon Dieu, apaise leur cœur et console-les dans l'épreuve. Accorde du bien à ceux qui sont restés à l'arrière. » Le soir de cette même journée, c'est-à-dire le samedi 7 du mois de Shawwal de l'an 3 de l'Hégire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine. Dès qu'il fut parvenu à sa maison, il tendit son épée à sa fille Fatima et dit « Ô ma fille, lave le sang de cette épée. Par Allah, elle a rempli son rôle lors de la bataille. » Ali ibn Abi Talib lui tendit également son épée en disant « Et lave celle-ci aussi. Par Allah, elle a rempli son rôle lors de la bataille. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors à Ali « Tu as bien rempli ton rôle lors de la bataille, mais sache qu'il en est de même pour Sahl ibn Hanif et Abu Jujana. » La plupart des récits confirment que 70 musulmans furent tués, dont la majorité d'entre eux, 65, étaient des Ansar, 41 Khazraj et 24 Aous. Il y eut aussi 4 Muhajirun et un Juif. Quant aux polythéistes, 22 d'entre eux furent tués selon la version d'Ibn Ishaq. Mais l'examen des détails de cette bataille que nous lisons dans les Marazi et les Siyar, livre des expéditions militaires du prophète alayhi salatu wassalam, montre que 37 associateurs trouvèrent la mort à Uhud et non 22, Allah demeurant plus savant. Cette nuit de samedi, la 8e du mois de Shawwal, les musulmans restèrent vigilants bien qu'ils fussent extrêmement épuisés. Ils surveillèrent toutes les issues de Médine. Ils furent spécialement attentifs à la sécurité du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur guide suprême.